Section 108 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 2e, section 108. Le cœur et l'amour, par Arsène Housset. Le souvenir a cela de beau qu'il ne garde en amour que le sourire des figures aimées. L'amour est un fruit qu'il faut cueillir sans casser la branche. Pour savoir combien on peut haïr une femme, il faut se rappeler combien on l'a aimée. La haine est la sœur de l'amour. L'amour, c'est un arc-en-ciel qui traverse les orages de la jeunesse, larmes et sourires, comme la pluie et le soleil. Les uns appellent cela l'arc de Cupidon, les autres la ceinture de Vénus. Quand l'arc est détendu, quand la ceinture est dénouée, le prisme retourne au ciel d'où il est venu. L'amour est comme le poète, qui trouve toujours des vers nouveaux sur le même air. L'amour est un fil que la femme tient par les deux bouts et qu'elle nous donne à retordre. Un billet doux est une traite à vue. Il faut toujours payer, quelle que soit la monnaie. Tous les amours, même l'amour maternel, ont leurs angoisses et leurs déchirements. C'est que Dieu a créé une peine pour chaque joie. Une des portes du paradis s'ouvre sur l'enfer. Il n'y a de commencement qu'avec les femmes comme il faut, puisqu'avec les autres on commence toujours par la fin. Si tu n'aimes pas trop, tu n'aimes pas assez. L'amour est comme les liqueurs fortes. On a beau dire qu'elles tuent, on y revient. La rose rouge est le symbole de la douleur, puisqu'elle est teinte du sang de Vénus. La femme ne pardonne que si elle a tort. Il n'y a en amour que les commencements. Les beaux romans sont ceux qu'on ne finit pas. L'amour ne vieillit pas. Il meurt enfant. En amour comme en poésie, les fous vont plus loin que les sages. La pudeur est sublime parce que c'est la nature qui se défend. La pruderie est odieuse parce qu'elle n'est qu'un masque. Sous la pudeur, il y a une femme. Sous la pruderie, il n'y a qu'une sotte. L'amour est encore la plus belle invention des anciens pour les modernes. La lune est le symbole de l'amour qui va croissant et décroissant sans pouvoir s'arrêter au même éclat. Les fêtes de l'amour sont comme les fêtes du monde. Il faut s'en aller avant que les bougies s'éteignent. En politique comme en amour, c'est la première concession qui perd le pouvoir. Le roi et le mari qui font des concessions sont des souverains qui abdiquent. Fin de la section 108, enregistrée par Ezoie en Belgique en juillet 2021.